this place with your legend. Et moi les tâches, je brûle la nuit. Sur la terre, y'en a pas de like you and me. Et moi l'atmosphère, faire. T'es au-dessus, tout le monde, je suis un gentleman. Et moi l'embrasse sous la pluie. Je me donne à mon temps.